de profundis clamavi. J'implore ta pitié, toi, l'unique que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. C'est un univers morne à l'horizon plombé, où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Un soleil sans chaleur plane au-dessus 6 mois, et les 6 autres mois, la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire, ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace, et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, tant les chevaux du temps, lentement, se dévident.